Eh bien, bienvenue sur cette nouvelle contribution. Donc, je suis avec Sandra. Sandra, je vais te laisser te présenter. Bah, bonjour, donc comme dit, je suis Sandra, connue sous le pseudonyme de BSLN. Je participe régulièrement aux voix d'Altaride et je fais de mon credo de bataille dans le jeu de rôle l'accessibilité du jeu de rôle. Ok. Nickel. Du coup, je vais te poser les fameuses questions du Frankencast. Après. Donc, Sandra, tac tac, dis-nous pour toi, qu'est-ce qu'un jeu de rôle alternatif? Moi, ça n'existe pas. Ah, bah nickel. Voilà, parce que pour moi, chaque jeu est unique. Il n'y a pas une masse de jeux, il n'y a pas donc à avoir de jeux alternatifs. Il y a juste des jeux qui se jouent selon certains systèmes, que cela soit avec des dés ou sans dés, qu'il y a des jeux qui se jouent à plus ou moins de joueurs, mais le jeu de rôle a tellement de formes que c'est difficile de définir du jeu de rôle alternatif. À la limite, ce que je définirais en jeu de rôle alternatif, ça serait plus du GN. Ok. Et du coup, c'est quoi les différences, enfin, c'est quoi le côté alternatif qu'il y a dans le GN? C'est donc dans le GN, le côté alternatif que je vois est essentiellement lié par exemple à la gestion de la fiche d'un personnage ou à la gestion du personnage en question. C'est Ok. plus ça qui est alternatif. Et même encore, on retrouve énormément de choses qui font du jeu de rôle. Pour moi, le jeu de rôle, à partir du moment où l'on choisit de jouer un personnage qui n'est pas soi-même, ou même encore, on peut se jouer soi-même, mais un personnage qui a des traits, des compétences qui peuvent être définies au fil de l'eau, pour moi, nous sommes dans du jeu de rôle à partir du moment où nous incarnons un personnage qui n'a pas des réactions qui sont écrites comme dans une pièce de théâtre. Ok. Alors, moi, je profite de ta contribution pour lancer un petit détail. Je n'ai jamais parlé de jeu de rôle quand je parlais de jeu. Hein. Donc, final, parce qu'en fait, je mets la question de côté. Je pense que c'est une très grosse question et je suis pas forcément persuadé que c'est comment dire, que c'est en fait le vraiment le sujet de ce que j'ai envie de faire, quoi. Enfin, dans ce Frankencast. Mais du coup, si tu veux, on peut encore développer un peu le côté alternatif. Sur le côté, bah, en fait, ça n'existe pas vraiment. Ou si tu veux, on peut passer à la deuxième question. C'est comme tu veux. On peut passer à la deuxième question. C'est toi le maître de conférence. Bah, y a pas de souci. Mais moi, je trouve ça très intéressant, le côté « il n'y a pas de définition ». Parce que je rejoins un peu ce côté-là. Bah, en jeu alternatif, après, on peut passer dans les jeux accessibles. Mais c'est pour moi le jeu alternatif. J'ai du mal à appliquer le terme alternatif sur un jeu parce que c'est simplement une autre vision d'un jeu. Je refuse l'idée qu'il n'y ait qu'une seule bonne vision normalisée des jeux. C'est chacun trouve son plaisir, que ce soit sur les jeux vidéo, que ce soit sur les jeux de rôle, que ce soit sur les GN. Chacun trouve son compte sur une version qui lui est propre. Donc il n'y a que des jeux alternatifs en partant de ceci. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de jeu alternatif, puisque la norme, c'est le jeu alternatif. Ok, eh ben, moi ça me va totalement comme réponse, je la trouve passionnante. Mais du coup, je vais te poser la deuxième question qui va être un peu modifiée par rapport à ta première réponse. Du coup, toi, pourquoi tu joues globalement? Parce que comme tu me dis que tous les jeux sont alternatifs, la question c'est pourquoi tu joues aux jeux alternatifs? Voilà, du coup, la question c'est pourquoi toi tu joues? Le plaisir, moi c'est très simple, c'est le plaisir d'être dans une communauté, là, que ce soit une table, que ce soit un groupe de GN, dans lequel on va construire le monde. Le monde des jeux vidéo est un monde qui est figé. Les mondes qui sont devenus évolutifs dans les jeux vidéo ont été une révolution, telles que les MMORPG ou autres qui peuvent évoluer avec l'histoire, des gros RPG qui évoluent, et ça a toujours été mon style de jeu. Et même enfant, quand j'ai commencé le jeu de rôle sur table, ça a été un vrai bonheur de voir que les personnages avec qui nous discutions, nous nous attachions, évoluaient dans le monde. Ça continuait de vivre, ce n'est pas un monde figé où on revient 6 ans plus tard, le PNJ a les trois mêmes lignes de dialogue. Non, le PNJ se souvient de nous, nous avons des interactions avec lui. C'est, il y a une vie. On peut se projeter dans un monde qui soit médiéval, qui soit fantastique, qui soit futuriste, qui soit contemporain. On peut se projeter, imaginer des histoires tous ensemble. C'est vraiment du conte que l'on peut toucher. On est tous ensemble en train de se raconter une histoire et tous nous avons la main sur l'histoire pour la faire évoluer. L'histoire n'est pas figée, le rôle du personnage n'est pas figé. C'est on invente, on partage et on le fait en communauté. Et c'est ça qui me plaît dans tous les jeux, que ce soit le jeu de rôle ou le GN. Ok. Et du coup, pour essayer de rebondir un peu sur ce que tu dis, est-ce que je me tromperais sur le côté, en fait, ce que tu cherches, c'est à la fois une immersion sociale et aussi le côté interactif, intercréatif, comme l'écrit Coralie David, excusez-moi, j'ai eu du mal, qui t'intéresse du coup? Je suis totalement pour le côté intercréatif. C'est enfant, toute jeune, je jouais au livre dont vous êtes le héros. Et j'adorais ça parce que tu faisais déjà évoluer ton personnage. Et puis ensuite, après, bah, à 8 ans, j'ai découvert le jeu de rôle. Et là, ça a été la baffe. Parce que c'est un, c'est le livre dont on est le héros, on fait évoluer son petit personnage dans loup solitaire, où on choisit ses skills. Mais surtout, c'est pas tu lances les dés, tu vas à telle page et tu autre, c'est tu choisis ce que fait ton personnage. Et c'est vraiment, on crée, le MJ n'est pas, dans les jeux avec MJ, c'est pas une opposition, les autres joueurs ne sont pas une opposition, c'est il y a des fronts, c'est tout, qu'on doit surmonter. Le mythe du MJ qui vise à tuer toute sa table et qui l'amuse, pour moi, n'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer avec des gens qui ont envie de construire quelque chose. J'apprécie que mes persos en prennent plein les dents s'il le faut, si le contexte s'y prête. Je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Mais il y a une raison pour laquelle mes persos vont sourire. C'est soit parce que c'est le monde qui le veut, soit c'est parce que les actions de mes persos font que voilà. Ce n'est pas de la souffrance gratuite. On construit ensemble, MJ, joueurs, joueuses, tous ensemble autour d'une table ou dans un GN. Ok, écoute, moi c'est assez proche aussi. Bon, je crois que que les questions ont bien été répondues. Est-ce que tu veux peut-être un dernier mot pour finir? Oui, c'est. On me dit souvent sur les jeux que tout n'est pas accessible sur les jeux, que les jeux ça peut être compliqué, le jeu de rôle, que les gens ne savent pas comment intégrer d'autres personnes. Ben, en fait, il suffit de se poser la question comment vous voulez être intégré la plupart du temps. Parce que le loisir du jeu de rôle est un loisir qui est de base très ouvert et qui est, de par sa définition même, qui permet d'intégrer. Si les gens pensent qu'ils ne peuvent pas intégrer d'autres personnes ou ont peur d'en intégrer d'autres, c'est sûrement parce qu'ils se fient peut-être trop aux règles, qu'ils ont l'impression de ça. Mais la plupart du temps, pour intégrer des joueurs, que ce soit des personnes qui ont des handicaps, que ce soit des joueurs nouveaux ou un groupe, bah, il suffit juste de dire, moi, qu'est-ce que j'ai envie de trouver dans le jeu et comment je peux aider la personne à le trouver. Donc l'accessibilité, c'est comme dans la vie de tous les jours, ça implique juste en fait qu'on y réfléchisse 5-10 minutes et après on se rend compte que c'est très facile d'accueillir tout le monde. Je te remercie pour ce beau message et pour cette belle contribution.